Je voudrais tellement te dire ce que je ressens. Je ne connais pas mon avenir, je ne suis qu'un enfant. Je ne sais pas ce que tu me demandes, mais des fois j'ai le sentiment d'avoir juste besoin de ton amour et de tes grands bras qui m'entourent. Parfois tu es triste, mais souvent tu es heureux. Moi aussi je pleure, j'ai des fois mes petits malheurs. Le monde est mystérieux, alors j'ai besoin de toi pour découvrir la vie sur terre. Apprendre à parler, à me taire. Pourquoi? Pourquoi suis-je si petit? Moi qui découvre la vie. Dis, pourquoi es-tu si grand? Toi qu'on appelle parent. Pourquoi? Pourquoi suis-je si petit? Moi qui découvre la vie. Dis, pourquoi es-tu si grand? Toi qu'on appelle parent. Papa et maman, ne l'oubliez pas, j'entends, je comprends la vie à tout petit pas. Bientôt je vais vous étonner, parler, courir ou sauter, mais ce que j'apprends dans mon cœur construit chaque jour mon bonheur. Je ne serai peut-être pas un enfant parfait, à toi de me faire connaître le chemin rêvé. J'ai souvent du mal à comprendre les disputes, les cris des grands, malgré que je sois dans ma chambre. Tous ces mots-là, toi, je les entends. Pourquoi? Pourquoi suis-je si petit? Moi qui découvre la vie. Dis, pourquoi es-tu si grand? Toi qu'on appelle parent. Dis-moi, pourquoi? Pourquoi suis-je si petit? Moi qui découvre la vie. Dis, pourquoi es-tu si grand? Toi qu'on appelle parent. Avant de te mettre en colère ou alors de te fâcher, n'oublie pas que sur cette terre, c'est mon histoire qui se crée.